Écoute, écoute le cœur de la forêt. C'est le cœur de la terre qui bat sans s'arrêter. Écoute, écoute le chant de la forêt. C'est le chant des oiseaux, du vent dans les fourrés. Écoute, écoute le rire de la forêt. C'est le rire du soleil par les feuilles tamisées. Écoute la vie de la forêt. C'est la pluie qui se glisse sur les feuilles étalées. De la forêt. C'est le feu qui crépite. Et qui va tout brûler. Écoute l'histoire de la forêt. C'est dans Pointe-le-Loup qui va tous nous moiser.